Quelques sous-titres, j'entre bon de paix, quelques maudits. Expert casseur de serrure d'appart cellule. Gang aussi, TNT dit le serrurier. C'est remué, c'est strué, mué pendant la. Le tact à étudier, la clinche sautée comme quand je place un moroté. Baiser de vachette, va et jette, jette un œil en nous à pas de bavette. Je finis toujours le travail, pour qu'elle en paie. Je fais de la tronçonneuse, des armes quoi tu as. Projet ouverture, porte, appel à l'aise, quand boum. Chamache des œufs dans zoom. Caméra plaquée sous cage d'escalier d'angle. On serre la sangle, les sangles coulent, même si langue bien pendu pour les mecs du gang. Mec, on s'en fout le big bang. Frappe sur une ligne yin yang. Zen en sexe en zigzag, lui pop en force, un coup de shank. Le navire tank. Box office, Byron, la tria TNT. Une équipe de choc de gaglock sur un palier pour tout péter. L'ouverture du premier album. J'annonce la tria, la ponique et la censure. Comme un beretta, je défonce les murs de l'état. A mon tour de lâcher mon discours, toujours posé pour dénoncer les traites que je traite. Ce fléau à ma manière pour faire chier mon monde comme une bombe nucléaire. Je ravage tout sur mon passage, sans relâche pour mon crew. On fait le ménage jusqu'au bout avec la rage jusqu'au coucou. La tria, l'ouverture du même combat. J'ouvre l'avenir par l'écriture, rédige le constat. Rappé d'une formalité sans besoin d'être excité. Aucune rivalité, on vient se représenter. Quand t'es face à mes vers, est une ouverture du bon sens. Sur ma séquence, faire exprimer ce qui est les rimes de notre existence. Prouver notre présente, mais je ruche dans les limites. Discret, j'avance vers le bon sens pour une performance. Vers l'ouverture de porte sur leur date première album, la tria. Nous sommes sur nos structures, de pur son menu. Grâce aux impostures, box office, mise le hip hop, piste d'aventure. Vers l'ouverture de porte sur leur date première album, la tria. Nous sommes sur nos structures, de pur son menu. Grâce aux impostures, box office, mise le hip hop. Calme, roi de 1, doué sous des comédies phalanges. Le diarcange, je sais que je dérange quand je fais ce mélange. Au box-office, t'entends les cigales, un réel régal. En colère comme Steven Seagal, dans le jet set. Oui, on utilise les préceptes. Toujours frais, frais, fruits des bois. Mes gueules de bois, faut l'arrêter, je touche du bois. Je finis toujours le travail pour que l'on paie, tu vois. Ouverture sur le monde, on a l'envers. Au travers, vers ses vis, ses vers signés. Sur versatile, vers brassé, engraissé, pas de fesses en liesse. Un pour le milieu, deux pour le pays grec, rien pour les crasseux. Pour serre le brouillard, crève les yeux, mes rimes en encode. Byron antipode, des freux, la chronique des modes. Des modes dont je traite dans le coup, Hérode. Mon rap persiste, vieux comme Hérode. Si vous pensiez avoir tout vu, vision de ces Byron box office. Vécu et mec, t'as l'impression de m'avoir déjà vu. On reste fidèle au hip hop jusqu'au bout. Le but, toi l'atteindra, rien ne s'arrête pour nous. Même si ce n'est pas le temps, on s'en fout. On fait avec ce qu'on a, seulement voilà, la route est longue. Aurais-je aucun regret, autre sentiment que celui de la honte. On monte à la surface face au pédigré. On ne va tomber dans le vide, j'ingurgite tellement de fumée. Pour oublier l'arrêt de mon estomac. Et que ça, tu fumes déjà ou quoi? Vers l'ouverture des portes sur leur date première album, la tria. Nous sommes sur nos structures, de pur son menu. Grâce aux impostures, box office, mise le hip hop, piste d'aventure. Vers l'ouverture des portes sur leur date première album, la tria. Nous sommes sur nos structures, de pur son menu. Grâce aux impostures, box office, mise le hip hop, piste d'aventure. C'est au niveau de la carotide, suicide, homicide, chin chin et chinois des bris, bris délices. 70% de matière grasse, coupe les farces, attrape passe, qui est le dindon de la farce. T'as que glissé au niveau de la carotide, je fais vite pour pas un bide d'orage au désespoir du site. Zip sur mec placide, swing sur 10 sans faire le caïd. Même si je te pousse dans le vide, mon rap prend pas une ride d'esprit, karate kid. Au combat, mais dans le bas de l'histoire, on doit souffrir pour produire de la bonne merde parce qu'on vit dans. On bosse même pas un mi-temps, ce qu'on représente c'est ce ciment. Contrairement à la télé, y'a pas de manix, pas de scénario qui fera penser à l'actari. Juste la microphonie pour vivre et rester fixe dans le QG. Les caps sont branchés, les mines sont placées pour dénicher les minables de nos tranchées. Vers l'ouverture des portes sur leur date première album, la tria. Nous sommes sur nos structures, les purs sont menus. Grâce aux impostures, box office, mise le hip hop, piste d'aventure. Vers l'ouverture des portes sur leur date première album, la tria. Nous sommes sur nos structures, les purs sont menus. Grâce aux impostures, box office, mise le hip hop, piste d'aventure. Vers l'ouverture des portes sur leur date première album, la tria. Nous sommes sur nos structures, les purs sont menus. Grâce aux impostures, box office, mise le hip hop, piste d'aventure. Vers l'ouverture des portes sur leur date première album, la tria. Nous sommes sur nos structures, les purs sont menus. Grâce aux impostures, box office, mise le hip hop, piste d'aventure. Chapeau, mais des trop. L'essentiel, c'est de se battre.